L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 21 décembre aura lieu un concert à la salle des fêtes de Nomni. 4 groupes au programme. Un concert caritatif au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Emmanuel Michaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Muse qui organise donc ce rendez-vous. Alors comment est venue l'idée d'organiser ce concert ? On est une association donc qui essaye de promouvoir un petit peu la musique vivante sur le territoire de la communauté de communes et on est basé à Nomni, donc Nomni et ses alentours. On avait l'occasion de pouvoir avoir la salle des fêtes à disponibilité à cette date. Comme ça correspond un petit peu aussi à nos goûts musicaux et puis que c'est bien de faire une action plaisante et utile à la fois, on s'est dit que c'était sympa d'organiser un concert comme ça. On a déjà plusieurs types de concerts à notre actif, hein, organisés comme ça. L'année dernière, à peu près à la même date, on avait un concert rock metal qui n'était pas caritatif, mais qui était à un prix très accessible. C'était un petit peu pour faire bouger les gens du coin, pour éventuellement faire des découvertes localement. L'association, elle existe depuis longtemps ? Elle existe depuis 2016. Par des passionnés de musique ou vous-même, vous faites partie d'un groupe peut-être ? Oui, effectivement, on est pour la plupart musiciens ou en tout cas très amateurs de musique. L'origine de l'association, c'était en fait de faire un petit soutien à l'école de musique de la communauté de communes, parce que en organisant des concerts, il y avait de quoi, par la buvette, des choses comme ça, avoir un petit peu de rentrée d'argent qui pouvait bénéficier pour acheter du matériel, pour améliorer les prestations de l'école de musique. C'est comme ça que ça a commencé, et c'est comme ça que ça continue aussi. Une de nos principales activités, c'est ça, c'est de faire de la prestation technique pour des spectacles, concerts, enfin musique en général, mais pas que. Votre actualité, c'est donc ce concert rock caritatif, 21 décembre, on peut parler un peu du programme, 4 groupes, hein, c'est ça, et c'est plutôt rock. C'est plutôt orienté rock, tout à fait. La tête d'affiche, c'est le groupe Rock and Child, du bien connu Alexis sur le secteur de Nancy, il faut aussi du métal par ailleurs, hein, qui avait plusieurs groupes, dont le groupe Mortuary. Alors attention, hein, le 21 décembre, on n'est pas dans ce style-là du tout, beaucoup plus calme. Rock and Child, c'est un petit collectif qui fait des concerts pour des œuvres caritatives. On s'est dit que, surtout aux alentours de Noël, c'était sympa d'avoir une petite activité comme ça. Donc c'est vouloir faire jouer Rock and Child qui était à l'amorce du projet. Donc ils font des reprises soit en acoustique, soit en version électrique, de standard, du rock and roll, du hard rock, en version grandement réarrangée. Voilà, ça c'est la tête d'affiche. Et puis ensuite, alors, je vais avoir une petite exclusivité pour vous. On a en ouverture Les Marie-Thérèse, qui est un groupe de Nancy, hein, qui essaye de faire des reprises de groupes connus, mais un petit peu à côté de ce qu'on entend d'habitude. Ils sont plutôt sur des Red Hot Chili Peppers, Chaka Punk, System of a Down, des choses comme ça. On a les Western Mécaniques, qui est un groupe de Metz qui fait du ska, punk, reggae, eux, ils font leur propre composition. Groupe qui met une bonne petite ambiance en live. Alors là, ma petite exclusivité, c'est que Drop the Hammer était prévu à l'affiche. Et malheureusement, bon, il y a un petit souci bien indépendant de leur volonté. Alors il y a un autre groupe qui va les remplacer, qui est tout à fait dans le même style, c'est The Dark Noise, qui est un duo qui vient de Tool, qui est dans un style stoner, mais instrumental, qui a ses compositions, et puis aussi qui fait des reprises de musique instrumentale, là aussi, des reprises qu'on n'entend pas, c'est pas les poncifs, je dirais, les reprises habituelles. Voilà, on aura The Dark Noise qui complétera l'affiche. Ce sera pour une autre fois Drop the Hammer. En tout cas, ce samedi 21 décembre, il y aura quand même pas mal d'ambiance à la salle des fêtes de Nomni. En plus, l'entrée est à 10€, donc ça reste aussi accessible. Oui, on essaye de faire quelque chose, c'est ça, accessible. Je dirais tout le monde y met un petit peu du sien. Bien entendu, l'association, on est tous bénévoles. Les musiciens participent tous volontiers pour donner ce qu'il y aura à donner à l'association. Et puis la mairie de Nomni aussi nous aide dans l'organisation de ce concert. On le rappelle, hein, c'est au profit donc de la lutte contre la mucoviscidose. Donc rendez-vous le samedi 21 décembre. C'est à partir de 19h à la salle des fêtes de Nomni. Pour suivre aussi un peu votre actu, vous avez peut-être déjà des projets pour 2025, l'association Muse ? Le projet, c'est, j'ai envie de dire, notre traditionnel bal folk, puisque ça fait, alors je ne les ai plus comptés, mais enfin ça fait au moins 6 ou 7 années qu'on organise un bal folk. Ça se passe au mois d'avril, au mois de mai. Donc les danseurs autour de folk se retrouvent. C'est là un petit peu la particularité de notre association, c'est qu'on fait, on organise la soirée et on fait venir au moins un groupe qui est ancré dans le style folk. Et puis les quelques musiciens aussi de l'association, on fait notre petit répertoire et on complète la soirée pour produire la musique, voilà, pour les danseurs. Voilà, parfait. L'association Muse qu'on peut retrouver, bien entendu, sur Facebook, on mettra le lien avec cette interview en podcast. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel, d'accord. Et rendez-vous le 21 décembre, donc. Eh ben d'accord, bien sûr. On vous attend tous le 21 décembre, avec plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.